que celui qui exprime une idée négative contre Monsieur Blanc-Rue conspue et conchit l'humanité toute entière. Depuis 50 ans que tu vis le jour, nous crûmes que tu vis cosmopolite, mais en vérité tu infiltras la télévision en soldat du Reich. Yann Wax, grand commandeur du Shoah. Yann Wax, on est tous avec toi. Yann Wax, grand commandeur du Shoah. Yann Wax, on est tous avec toi. L'homosexualité dont tu fais preuve à l'égard de Bernard Henri Lévy n'était qu'un moyen de noyauter la communauté organisée. Yann Wax, grand commandeur du Shoah. Yann Wax, on est tous avec toi. Yann Wax, grand commandeur du Shoah. Yann Wax, on est tous avec toi. Camarade national socialiste qui de sa mission garde le secret jusque chez l'inquisition gauchiste de Laurent Ruquier, le gouverneur de Bita. Grand commandeur du Shoah. Yann Wax, on est tous avec toi. Yann Wax, grand commandeur du Shoah. Yann Wax, on est tous avec toi. Et j'aimerais aussi demander pardon à Bernard Henri Lévy. Je lui ai envoyé un SMS qui disait « Va te faire enculer ». Alors, j'ai bien entendu cette demande de pardon, Yann. Très bien que je suis là, ce soir, non pas en tant qu'ami, mais en tant que quelqu'un qui doit poser les bonnes questions. Et je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je ne m'attendais pas à poser cette question aussi rapidement, mais je me dois de rebondir sur ce que vous venez de rebondir.